Livre quatrième, chapitre 2. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Claude Frollo. En effet, Claude Frollo n'était pas un personnage vulgaire. Il appartenait à une de ces familles moyennes qu'on appelait indifféremment dans le langage impertinent du siècle dernier haute bourgeoisie ou petite noblesse. Cette famille avait hérité des frères Paclet le fief de Tirechappe, qui relevait de l'évêque de Paris et dont les 21 maisons avaient été au XIIIe siècle l'objet de tant de plaidoiries par devant l'official. Comme possesseur de ce fief, Claude Frollo était un des 7 21 seigneurs prétendant censive dans Paris et ses faubourgs, et l'on a pu voir longtemps son nom inscrit en cette qualité entre l'hôtel de Tancarville, appartenant à maître François Leray, et le collège de Tours, dans le cartulaire déposé à Saint-Martin-des-Champs. Claude Frollo avait été destiné dès l'enfance par ses parents à l'état ecclésiastique. On lui avait appris à lire dans du latin. Il avait été élevé à baisser les yeux et à parler bas. Tout enfant, son père l'avait cloîtré au collège de Torchy en l'université. C'est là qu'il avait grandi, sur le missel et le lexicon. C'était d'ailleurs un enfant triste, grave, sérieux, qui étudiait ardemment et apprenait vite. Il ne jetait pas grand cri dans les récréations, se mêlait peu au bacchanal de la rue du Foire, ne savait ce que c'était que « dare a la pace et capilos lagnare » et n'avait fait aucune figure dans cette mutinerie de 1463 que les analystes enregistrent gravement sous le titre de « sixième trouble de l'université ». Il lui arrivait rarement de railler les pauvres écoliers de Montagu pour les capettes dont ils tiraient leur nom, ou les boursiers du collège de Dormans pour leur tonsure rase et leur surtout tripartie de drapères, bleu et violet, azzurrini coloris e bruni, comme dit la charte du cardinal des quatre couronnes. En revanche, il était assidu aux grandes et petites écoles de la rue Saint-Jean de Beauvais. Le premier écolier que l'abbé de Saint-Pierre de Val, au moment de commencer sa lecture de droit canon, apercevait, toujours collé vis-à-vis de sa chaire, à un pilier de l'école Saint-Vendre-Gélise, c'était Claude Frollo, armé de son écritoire de corne, mâchant sa plume, griffonnant sur son genou usé, et l'hiver soufflant dans ses doigts. Le premier auditeur que Messire Mille Dillier, docteur en décret, voyait arriver chaque lundi matin, tout essoufflé à l'ouverture des portes de l'école du chef Saint-Denis, c'était Claude Frollo. Aussi, à 16 ans, le jeune clerc eût pu tenir tête, en théologie mystique à un père de l'Église, en théologie canonique à un père des conciles, en théologie scolastique, à un docteur de la Sorbonne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La théologie dépassée, il s'était précipité dans le décret du maître des sentences. Il était tombé au capitulaire de Charlemagne, et successivement il avait dévoré, dans son appétit de science, décrétale sur décrétale. Celle de Théodore, évêque d'Hispal, celle de Bouchard, évêque de Worms, celle d'Yves, évêque de Chartres. Puis le décret de Gratien qui succéda au capitulaire de Charlemagne, puis le recueil de Grégoire IX, puis l'épître super specula d'Honorius III. Il se fit clair, il se fit familière, cette vaste et tumultueuse période du droit civil et du droit canon, en lutte et en travail dans le chaos du Moyen-Âge. Période que l'évêque Théodore ouvre en 1618 et que ferme en 1227 le pape Grégoire. Le décret digéré, il se jeta sur la médecine et sur les arts libéraux. Il étudia la science des herbes, la science des onguents. Il devint expert aux fièvres et aux contusions, aux navrures et aux apostumes. Jacques d'Espard l'eût reçu médecin physicien, Richard Hélin, médecin chirurgien. Il parcourut également tous les degrés de licence, maîtrise et doctorerie des arts. Il étudia les langues, le latin, le grec, l'hébreu, triple sanctuaire alors bien peu fréquenté. C'était une véritable fièvre d'acquérir et de thésauriser en fait de science. À 18 ans, les 4 facultés y avaient passé. Il semblait au jeune homme que la vie avait un but unique, savoir. Ce fut vers cette époque environ que l'été excessif de 1466 fit éclater une grande peste qui enleva plus de 40 000 créatures dans la vicomté de Paris. Et entre autres, dit Jehan de Troyes, maître Arnould, astrologien du roi, qui était fort homme de bien, sage et plaisant. Le bruit se répandit dans l'université que la rue qui réchappe était en particulier dévastée par la maladie. C'est là que résidaient, au milieu de leur fief, les parents de Claude. Le jeune écolier courut fort alarmé à la maison paternelle. Quand il y entra, son père et sa mère étaient morts de la veille. Un tout jeune frère qu'il avait au maillot vivait encore, écrié, abandonné dans son berceau. C'était tout ce qui restait à Claude de sa famille. Le jeune homme prit l'enfant sous son bras et sortit, pensif. Jusque-là, il n'avait vécu que dans la science. Il commençait à vivre dans la vie. Cette catastrophe fut une crise dans l'existence de Claude. Orphelin, aîné, chef de famille à 19 ans, il se sentit rudement rappelé des rêveries de l'école, aux réalités de ce monde. Alors, ému de pitié, il se prit de passion et de dévouement pour cet enfant, son frère. Chose étrange et douce qu'une affection humaine, à lui qui n'avait encore aimé que des livres. Cette affection se développa à un point singulier. Dans une âme aussi neuve, ce fut comme un premier amour. Séparé depuis l'enfance de ses parents qu'il avait à peine connus, cloîtré et comme muré dans ses livres, avide avant tout d'étudier et d'apprendre, exclusivement attentif jusqu'alors à son intelligence qui se dilatait dans la science, à son imagination qui grandissait dans les lettres. Le pauvre écolier n'avait pas encore eu le temps de sentir la place de son cœur. Ce jeune frère sans père ni mère, ce petit enfant qui lui tombait brusquement du ciel sur les bras, fit de lui un homme nouveau. Il s'aperçut qu'il y avait autre chose dans le monde que les spéculations de la Sorbonne et les vers d'Homérus, que l'homme avait besoin d'affection, que la vie sans tendresse et sans amour n'était qu'un rouage sec, criard et déchirant. Seulement, il se figura, car il était dans l'âge où les illusions ne sont encore remplacées que par des illusions, que les affections de sang et de famille étaient les seules nécessaires, et qu'un petit frère à aimer suffisait pour remplir toute une existence. Il se jeta donc dans l'amour de son petit Jehan, avec la passion d'un caractère déjà profond, ardent, concentré. Cette pauvre frêle créature, jolie, blonde, rose et frisée, cet orphelin sans autre appui qu'un orphelin, le remuait jusqu'au fond des entrailles. Et, grave penseur qu'il était, il se mit à réfléchir sur Jehan avec une miséricorde infinie. Il en prit souci et soin comme de quelque chose de très fragile et de très recommandé. Il fut à l'enfant plus qu'un frère. Il lui devint une mère. Alléluia, alléluia, alléluia. Le petit Jehan avait perdu sa mère qu'il tétait encore. Claude le mit en nourrice. Outre le fief de Tirechappe, il avait eu en héritage de son père le fief du moulin qui relevait de la tour carrée de Gentilly. C'était un moulin près d'une colline, près du château de Winchester, Bicêtre. Il y avait la meunière qui nourrissait un bel enfant. Ce n'était pas loin de l'université. Claude lui apporta lui-même son petit Jehan. Dès lors, Se sentant un fardeau à traîner, il prit la vie très au sérieux. La pensée de son petit frère devint non seulement la récréation, mais encore le but de ses études. Il résolut de se consacrer tout entier à un avenir dont il répondait devant Dieu, et de n'avoir jamais d'autre épouse, d'autre enfant, que le bonheur et la fortune de son frère. Il se rattacha donc plus que jamais à sa vocation cléricale. Son mérite, sa science, sa qualité de vassal immédiat de l'évêque de Paris lui ouvraient toutes grandes les portes de l'Église. À 20 ans, par dispense spéciale du Saint-Siège, il était prêtre et desservait comme le plus jeune des chapelains de Notre-Dame l'autel qu'on appelle, à cause de la messe tardive qui s'y dit, altar epigrorum. Là, plus que jamais plongé dans ses chers livres, qu'il ne quittait que pour courir une heure au fief du moulin, ce mélange de savoir et d'austérité, si rare à son âge, l'avait rendu promptement le respect et l'admiration du cloître. Du cloître, sa réputation de savant avait été au peuple, où elle avait un peu tourné, chose fréquente alors, au renom de sorcier. C'est au moment où il revenait, le jour de la Quasimodo, de dire sa messe des paresseux à leur hôtel, qui était à côté de la porte du chœur, tendant à la nef à droite, proche l'image de la Vierge, que son attention avait été éveillée par le groupe de vieilles glapissant autour du lit des enfants trouvés. C'est alors qu'il s'était approché de la malheureuse petite créature, si haïe et si menacée. Cette détresse, cette difformité, cet abandon, la pensée de son jeune frère, la chimère qui frappa tout à coup son esprit que, s'il mourrait, son cher petit Jehan pourrait bien aussi, lui, être misérablement sur la planche des enfants trouvés. Tout cela lui était venu au cœur à la fois. Une grande pitié s'était remuée en lui et il avait emporté l'enfant. Et Maria Magdalena. Quand il tira cet enfant du sac, il le trouva bien difforme en effet. Le pauvre petit diable avait une verrue sur l'œil gauche, la tête dans les épaules, la colonne vertébrale arquée, le sternum proéminent, les jambes torses. Mais il paraissait vivace, et quoiqu'il fût impossible de savoir quelle langue il bégayait, son cri annonçait quelque force et quelque santé. La compassion de Claude s'accrut de cette laideur, et il fit vœu dans son cœur d'élever cet enfant pour l'amour de son frère. Afin que quelques fussent dans l'avenir les fautes du petit Jehan, il eut par devers lui cette charité faite à son intention. C'était une sorte de placement de bonnes œuvres qu'il effectuait sur la tête de son jeune frère. C'était une pacotille de bonnes actions qu'il voulait lui amasser d'avance, pour le cas où le petit drôle un jour se trouverait à court de cette monnaie, la seule qui soit reçue au péage du paradis. Il baptisa son enfant adoptif et le nomma Quasimodo. Soit qu'il voulût marquer par là le jour où il l'avait trouvé, soit qu'il voulût caractériser par ce nom à quel point la pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près.